La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre 5e, Anciennes mœurs des Romains. Chapitre 18. Les chrétiens n'ont pas à se glorifier de ce qu'ils font pour l'amour de la patrie céleste, quand les Romains ont fait de si grandes choses pour une patrie terrestre et pour une gloire toute humaine. Qu'y a-t-il donc de si grand à mépriser tous les charmes, les plus séduisants de la vie présente pour cette patrie éternelle et céleste, quand pour une patrie terrestre et temporelle Brutus a pu se résoudre à faire mourir ses enfants, sacrifice que la divine patrie n'exige pas? Il est sans doute bien plus difficile d'immoler ses enfants que de faire ce qu'elle exige, je veux dire de donner aux pauvres ou d'abandonner pour la foi ou pour la justice des biens qu'on amasse et qu'on ne conserve que pour ses enfants. Car ce ne sont pas les richesses de la terre qui nous rendent heureux, nous et nos enfants, puisque nous pouvons les perdre durant notre vie ou les laisser après notre mort en des mains inconnues ou détestées. Mais Dieu, qui est la vraie richesse des âmes, est aussi le seul qui puisse leur donner le bonheur. Brutus a-t-il été heureux? Non, et j'en atteste le poète même qui célèbre son sacrifice. Ce père, dit-il, enverra au supplice des fils séditieux au nom de la liberté sainte. Malheureux, quelque jugement que porte sur lui la postérité. Et il ajoute pour le consoler, mais l'amour de la patrie est plus fort, et la tendresse paternelle cède à un immense désir de la gloire. Virgile, Énéide, livre 4, vers 820-823. C'est cet amour de la patrie et ce désir de la gloire qui ont inspiré aux Romains tout ce qu'ils ont fait de merveilleux. Si donc, pour la liberté de quelques hommes qui mourront demain, et pour une gloire terrestre, un père a pu sacrifier ses propres enfants, est-ce beaucoup faire pour gagner la liberté véritable, qui nous affranchit du péché, de la mort et du démon, et pour contenter, non pas notre vanité, mais notre charité, par la délivrance de nos semblables, captifs, non de Tarquin, mais des démons et de leur roi, est-ce beaucoup faire? Encore une fois, je ne dis pas de faire mourir nos enfants, mais de mettre au nombre de nos enfants les pauvres de Jésus-Christ. On rapporte que Torquatus, général romain, punit de mort son fils victorieux, que l'ardeur de la jeunesse avait emporté à combattre, malgré l'ordre du chef, un ennemi qui le provoquait. Torquatus jugea sans doute que l'exemple de son autorité méprisée pouvait causer plus de mal que ne ferait de bien la victoire obtenue sur l'ennemi, voyez livre 1, chapitre 23, mais si un père a pu s'imposer une si dure loi, de quoi ont à se glorifier ceux qui, pour obéir aux lois de la céleste patrie, méprisent les biens de la terre, moins chers à leur cœur que des enfants? Si Camille, voyez livre 2, chapitre 17, et livre 4, chapitre 7. Si Camille, donc, après avoir délivré sa patrie des redoutables attaques des Veïens, ne laissa pas, quoiqu'elle eût sacrifié à ses envieux, de la sauver encore en repoussant les Gaulois, faute de trouver une autre patrie où il pût vivre avec gloire, pourquoi celui-là se vanterait-il, qui, ayant reçu dans l'Église la plus cruelle injure de la part de charnels ennemis, loin de se jeter parmi les hérétiques ou de former une hérésie nouvelle, aurait défendu de tout son pouvoir la pureté de la doctrine de l'Église contre les efforts de l'hérésie? Pourquoi se vanterait-il, puisqu'il n'y a pas d'autre Église où l'on puisse, je ne dis pas jouir de la gloire des hommes, mais acquérir la vie éternelle? Si Mucius Sévola, voyez Tite Live, livre 2, chapitre 12-13. Si Mucius Sévola, trompé dans son dessein de tuer Porsena qui assiégeait étroitement Rome, étendit la main sur un brasier ardent en présence de ce prince, l'assurant qu'il y avait encore plusieurs jeunes Romains aussi hardis que lui qui avaient juré sa mort, en sorte que Porsena, frappé de son courage et effrayé d'une conjuration si terrible, conclut sans retard la paix avec les Romains, qui croira avoir mérité le royaume des cieux, quand, pour l'obtenir, il aura abandonné sa main, je dis plus, tout son corps aux flammes des persécuteurs. Sicursius, voyez Tite Live, livre 7, chapitre 6. Sicursius se précipita tout armé avec son cheval dans un abîme, pour obéir à l'oracle qui avait commandé aux Romains d'y jeter ce qu'ils avaient de meilleur. Les Romains, qui excellaient surtout par leurs guerriers et par leurs armes, ne croyaient rien avoir de meilleur qu'un guerrier armé, qui s'imaginera avoir fait quelque chose de grand en vue de la cité céleste, pour avoir souffert, sans la prévenir, une semblable mort, quand surtout il a reçu de son seigneur, du roi de sa véritable patrie, cet oracle bien plus certain. Ne craignez point ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Matthieu 10, 28. S'il est Décius, voyez Tite Live, livre 8, chapitre 9, et livre 10, chapitre 28. S'il est Décius, se consacrant à la mort par de certaines paroles, ont versé leur sang pour apaiser les dieux irrités et sauver l'armée romaine, que les saints martyrs ne croient pas que pour avoir, eux aussi, répandu leur sang, ils aient rien fait qui soit digne du séjour de la véritable et éternelle félicité, alors même que soutenu par la charité de la foi et par la foi de la charité, ils auraient aimé non seulement leurs frères pour qui coulait leur sang, mais leurs ennemis même qui le faisaient couler. Si Marcus Pulvius, comparé Plutarque, vie de Publicola, chapitre 14, et Tite Live, livre 2, chapitre 8. Si Marcus Pulvius, dédiant un temple à Jupiter, à Junon et à Minerve, se montra insensible à la fausse nouvelle de la mort de son fils, que ses ennemis lui portèrent pour qu'il quittât la cérémonie et en laissa à son collègue tout l'honneur. Si même il commanda que le corps de son fils fût jeté sans sépulture, faisant céder la douleur paternelle à l'amour de la gloire, osera-t-on prétendre avoir fait quelque chose de considérable pour la prédication de l'Évangile, qui délivre les hommes de mille erreurs pour les ramener vers la patrie véritable, par cela seul qu'on se sera conformé à cette parole du Seigneur, disant à un de ses disciples préoccupé d'ensevelir son père, « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Matthieu 8, 22. Sirigulus, voyez livre 1er, chapitre 15 et 34. Sirigulus, pour ne pas manquer de parole à de cruels ennemis, retourna parmi eux, ne pouvant plus, disait-il, vivre à Rome avec honneur, après avoir été esclave des Africains. S'il expia par les plus horribles supplices le conseil qu'il avait donné au Sénat de repousser les offres de Carthage, quel tourment le chrétien ne doit-il pas mépriser pour garder sa foi envers cette patrie dont l'heureuse possession est le prix de cette foi même? Et rendra-t-il au Seigneur tout ce qu'il lui doit en retour des biens qu'il en a reçus, s'il souffre, pour garder sa foi envers son bienfaiteur, ce que Régulus souffrit pour garder la sienne envers des ennemis impitoyables? Comment osera-t-il s'enorgueillir d'avoir embrassé la pauvreté afin de marcher d'un pas plus libre dans la voie qui mène à la patrie dont Dieu fait toute la richesse, quand il peut savoir que, et Valerius, mort consul, était si pauvre que le peuple dut contribuer aux frais de ses funérailles. Note. Il y a ici quelque inexactitude. Valerius Publicola n'avait pas pour surnom Lucius, mais Publius. Il ne mourut pas consul, mais un an après son consulat, comme l'atteste Tite Live, Livre 2, chapitre 16, et les autres historiens romains. Fin de la note. Que Quintus Cincinnatus, voyez Tite Live, livre 3, chapitre 26, et Valère Maxime, livre 4, chapitre 4. Que Quintus Cincinnatus, dont la fortune se bornait à 4 arpents de terre qu'il cultivait lui-même, fut tiré de la charrue pour être fait dictateur, et qu'après avoir vaincu les ennemis et s'être couvert d'une gloire immortelle, il resta pauvre comme auparavant? Ou qui croira avoir fait preuve d'une grande vertu en ne se laissant pas entraîner par l'attrait des biens de ce monde loin de la patrie bienheureuse, lorsqu'il voit Fabricius rejeter toutes les offres de Pyrrhus, roi des Pires, même le quart de son royaume, pour ne pas quitter Rome et y rester pauvre et simple citoyen? En effet, au temps où la République était opulente, où florissait vraiment la chose publique, la chose du peuple, la chose de tous, les particuliers étaient si pauvres, qu'un personnage, Cornelius Rufinus, qui avait été deux fois consul, fut chassé du Sénat par le censeur, parce qu'il avait dans sa maison 10 marcs de vaisselle d'argent. Or, si telle était la pauvreté de ces hommes dont les victoires enrichissaient le trésor public, les chrétiens qui mettent leurs biens en commun pour une fin tout autrement excellente, c'est-à-dire pour se conformer à ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres, 2, 44, 45, et 4, 32, qu'il soit distribué à chacun selon ses besoins, et que nul ne possède rien en propre, mais que tout soit commun entre tous les fidèles. Les chrétiens, dis-je, doivent comprendre qu'ils n'ont aucun sujet de se glorifier de ce qu'ils font pour être admis dans la compagnie des anges, quand ces idolâtres en ont fait presque autant pour conserver la gloire du nom romain. Il est assez clair que tous ces traits de grandeur et beaucoup d'autres, qui se rencontrent dans les annales de Rome, ne seraient point parvenus à un tel renom, si l'Empire romain n'avait pris de prodigieux accroissements, d'où l'on voit que cette domination si étendue, si persistante, illustrée par les vertus de si grands hommes, a eu deux principaux effets. Elle a été pour les Romains amoureux de la gloire, la récompense où ils aspiraient, et puis elle nous offre, dans le spectacle de leurs grandes actions, un exemple qui nous avertit de notre devoir, afin que si nous ne pratiquons pas pour la glorieuse cité de Dieu les vertus véritables dont les Romains n'embrassaient que l'image en travaillant à la gloire d'une cité de la terre, nous en ayons de la confusion, et que, si nous les pratiquons, nous n'en ayons pas de vanité. Car nous apprenons de l'apôtre que les souffrances de cette vie n'ont point de proportion avec la gloire future qui sera manifestée en nous. Romains 8, 18. Quant à la gloire humaine et temporelle, la vertu des Romains y était proportionnée. Aussi, quand le Nouveau Testament, déchirant le voile de l'Ancien, est venu nous apprendre que le Dieu unique et véritable veut être adoré, non point en vue des biens terrestres et temporels que la Providence accorde également aux bons et aux méchants, mais en vue de la vie éternelle et des biens impérissables de la cité d'en haut, nous avons vu les Juifs justement livrés à l'Empire romain pour servir de trophée à sa gloire. C'est que Dieu a voulu que ceux qui avaient recherché et conquis par leur vertu, quoique purement humaine, la gloire des hommes, soumissent à leur joug une nation criminelle qui avait rejeté et mis à mort le dispensateur de la véritable gloire, le roi de l'éternelle cité. Chapitre 19. En quoi l'amour de la gloire diffère de l'amour de la domination? Il y a certainement de la différence entre l'amour de la gloire et l'amour de la domination, car bien que l'amour immodéré de la gloire conduise à la passion de dominer, ceux qui aiment ce qu'il y a de plus solide dans les louanges des hommes n'ont garde de déplaire aux bons esprits. Parmi les vertus, En effet, il en est plusieurs dont beaucoup d'hommes sont bons juges, quoiqu'elles soient pratiquées par un petit nombre, et c'est par là que marchent à la gloire et à la domination ceux dont Sallust dit qu'ils suivent la bonne voie. Voyez chapitre 12. Au contraire, quiconque désire la domination sans avoir cet amour de la gloire qui fait qu'on craint de déplaire aux bons esprits, aucun moyen ne lui répugne, pas même les crimes les plus scandaleux, pour contenter sa passion. Tout au moins celui qui aime la gloire, s'il ne prend pas la bonne voie, se sert de ruses et d'artifices pour paraître ce qu'il n'est pas. Aussi est-ce à un homme vertueux une grande vertu de mépriser la gloire, puisque Dieu seul en est le témoin et que les hommes n'en savent rien. Et, en effet, quoi qu'on fasse devant les hommes pour leur persuader qu'on méprise la gloire, on ne peut guère les empêcher de soupçonner que ce mépris ne cache le désir d'une gloire plus grande. Mais celui qui méprise en réalité les louanges des hommes, méprise aussi leurs soupçons téméraires, sans aller toutefois, s'il est vraiment homme de bien, jusqu'à mépriser leur salut, car la vertu véritable, qui vient du Saint-Esprit, porte le véritable juste à aimer même ses ennemis, à les aimer jusqu'au point de les voir avec joie devenir, en se corrigeant, ses compagnons de félicité, non dans la patrie d'ici-bas, mais dans celle d'en haut. Et quant à ceux qui le louent, bien qu'ils soient insensibles à leur louange, il ne l'est pas à leur affection. Aussi, ne voulant pas être au-dessous de leur estime, de crainte d'être au-dessous de leur affection, ils s'efforcent de tourner leur louange vers l'être souverain de qui nous tenons tout ce qui mérite en nous d'être loués. Quant à celui qui, sans être sensible à la gloire, désire ardemment la domination, il est plus cruel et plus brutal que les bêtes. Il s'est rencontré chez les Romains quelques hommes de cette espèce, indifférents à l'estime et toutefois très avides de dominer. Parmi ceux dont l'histoire fait mention, l'empereur Néron mérite incontestablement le premier rang. Il était si amolli par la débauche qu'on n'aurait redouté de lui rien de viril, et si cruel qu'on n'aurait rien soupçonné en lui d'efféminé, si on ne l'eût connu. Et pourtant la puissance souveraine n'est donnée à de tels hommes que par la providence de Dieu, quand il juge que les peuples méritent de tels maîtres. Sa parole est claire sur ce point. C'est la sagesse même qui parle ainsi. C'est moi qui fais régner les rois et dominer les tyrans. Proverbe 8, 15. Et afin qu'on n'entende pas ici tyran dans le sens de roi puissant, selon l'ancienne acception du mot, voyez Servius sur l'Énéide, livre 4, 320, adopté par Virgile dans ce vers. Ce sera pour moi un gage de paix d'avoir touché la droite du tyran des Troyens, Énéide, livre 7, 266. Il est dit clairement de Dieu en un autre endroit. C'est lui qui fait régner les princes fourbes, à cause des péchés du peuple, Job 34, 30. Ainsi, bien que j'ai assez établi, selon mes forces, pourquoi le seul Dieu véritable et juste a aidé les Romains à fonder un si grand empire, en récompense de ce que le monde appelle leur vertu, il se peut toutefois qu'il y ait une raison plus cachée de leur prospérité, car Dieu sait ce que méritent les peuples et nous l'ignorons. Mais il n'importe, pourvu qu'il demeure constant pour tout homme, pieux, qu'il n'y a pas de véritable vertu sans une véritable piété, c'est-à-dire sans le vrai culte du vrai Dieu, et que c'est une vertu fausse que celle qui a pour fin la gloire humaine, bien toutefois que ceux qui ne sont pas citoyens de la cité éternelle, nommée dans l'Écriture la cité de Dieu, le soit plus utile à la cité du monde par cette vertu, quoique fausse, que s'il n'avait aucune vertu. Voyez Psaume 45, 5 et 47, 3, 9, etc. que s'il vient à se trouver des hommes vraiment pieux qui joignent à la vertu la science de gouverner les peuples, rien ne peut arriver de plus heureux aux hommes que de recevoir de Dieu de tels souverains. Aussi bien ces princes d'élite, si grands que soient leurs mérites, ne les attribuent qu'à la grâce de Dieu, qui les a accordés à leur foi et à leur prière, et ils savent reconnaître combien ils sont éloignés de la perfection des saints anges, à qui ils désirent ardemment d'être associés. Quant à cette vertu, séparée de la vraie piété, et qu'a pour fin la gloire des hommes, quelque louange qu'on lui donne, elle ne mérite seulement pas d'être comparée au faible commencement des fidèles qui mettent leur espérance dans la grâce et la miséricorde du vrai Dieu. Chapitre 20. Il n'est guère moins honteux d'asservir les vertus à la gloire humaine qu'à la volupté. Des philosophes qui font consister le souverain bien dans la vertu en coutume, pour faire honte à ceux qui, tout en estimant la vertu, la subordonne néanmoins à la volupté comme à sa fin, de représenter celle-ci comme une reine délicate assise sur un trône et servie par les vertus qui observent tous ses mouvements et exécutent ses ordres. Elle commande à la prudence de veiller au repos et à la sûreté de son empire, à la justice de répandre des bienfaits pour lui faire des amis utiles, et de ne nuire à personne pour éviter des révoltes ennemies de sa sécurité. Si elle vient à éprouver dans son corps quelques douleurs, pas toutefois assez violentes pour l'obliger à se délivrer de la vie, elle ordonne à la force de tenir sa souveraine recueillie au fond de son âme, afin que le souvenir des plaisirs passés adoucisse l'amertume de la douleur présente. Enfin, elle recommande à la tempérance de ne pas abuser de la table, de peur que la santé, qui est un des éléments les plus essentiels du bonheur, n'en soit gravement altérée. Voilà donc les vertus, avec toute leur gloire et toute leur dignité, servant la volupté comme une femmelette impérieuse et impudente. Note. On reconnaît dans ces quatre vertus, la prudence, la justice, la force et la tempérance, la fameuse classification platonicienne, adoptée plus tard par l'Église. Fin de la note. Rien de plus scandaleux que ce tableau, disent nos philosophes, rien de plus laid, rien enfin dont la vue soit moins supportable aux gens de bien, et ils disent vrai, il s'agit ici des stoïciens, mais, à mon tour, j'estime impossible de faire un tableau décent où les vertus soient au service de la gloire humaine. Je veux que cette gloire ne soit pas une femme délicate et énervée. Elle est tout au moins bouffie de vanité, et lui asservir la solidité et la simplicité des vertus, vouloir que la prudence n'ait rien à prévoir, la justice rien à ordonner, la force rien à soutenir, la tempérance rien à modérer qui ne se rapporte à la gloire et n'ait la louange des hommes pour objet, ce serait une indignité manifeste. Et qu'ils ne se croient pas exempts de cette ignominie, ceux qui, en méprisant la gloire et le jugement des hommes, se plaisent à eux-mêmes et s'applaudissent de leur sagesse, car leur vertu, si elle mérite ce nom, est encore asservi en quelque façon à la louange humaine, puisque se plaire à soi-même, c'est plaire à un homme. Mais quiconque croit et espère en Dieu d'un cœur vraiment pieux et plein d'amour, s'applique beaucoup plus à considérer en soi-même ce qui lui déplaît que ce qui peut lui plaire, moins encore à lui qu'à la vérité, et ce qui peut lui plaire. Il l'attribue à la miséricorde de celui dont il redoute le déplaisir, lui rendant grâce pour les plaies guéries, et lui offrant des prières pour les plaies à guérir. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.